Reste vrai. N'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens. Ouais, n'écoute pas les gens qui pensent savoir. Bref. Gros train de vie car on aime donner le la. Prends juste des pieds car le monstre est dans le lac. L'ennemi est là, il est déjà tout autour. Je peux pas le montrer du doigt car mon poignet pèse lourd. L'équipage rôde, l'équipage est dans le mode. We didn't get big man. 2020, rien ne bouge, rien ne change. L'argent contrôle toujours autant le monde et les gens. Choisis bien ton camp, le poison est dans la dose. Je mets le coup de grâce, le cafard est sur le dos. Des amis deux ou trois, 50 000 pour aller où? L'horizon est flou, maquillé comme Hollywood. Trop tard, je crois qu'il n'y a plus rien dans les crânes. Tout est parti vite, comme l'argent du crack. Les gens les plus à craindre ont des visages d'ange. Ils t'ouvriraient le ventre pour y voir ce que tu manges. Attends un peu, laisse-moi bien revoir le script. Je suis né à Kin, j'suis pas un Blood, né à Chris. L'ennemi est là, il est déjà tout autour. Je peux pas le montrer du doigt car mon bonnet pèse lourd. Tranquille, on est là, y'a pas de mal. Ce n'est que du hip-hop. L'ennemi est là, il est déjà tout autour. Je peux pas le montrer du doigt car mon bonnet pèse lourd. Tranquille, on est là, y'a pas de mal. Ce n'est que du hip-hop. Mon inspi sort des coins sombres. J'ai la dalle comme si j'habitais dans le 60. Dans le showbiz pour rendre fier maman. Et briller comme les étoiles du firmament. Ok, on va faire ça bien et deux spies. Reste à côté de moi car c'est de moi qui s'inspire. Je te dis ça pour t'éviter de faire le tour de la ville. En d'autres termes pour t'éviter de trop sucer des bites. Ok, si t'enfoiré, je t'ai dit que le poisson peut pas se noyer. Y'a trop de bâtards au mètre carré, y'a l'arche mais toujours pas de Noé. Je vais tout nier, cousin il pleut des cordes, j'ai cacahuètes. À Paris centre, les tarifs plus de cacahuètes, cocoètes. Hein, ouais, hey, je suis pas poète, hein. Je m'en sors avec des pirouettes, hein. L'eau, zay, dans une petite brouette. Je coupe des têtes, pendant 16 enfoirés ils font les girouettes. L'ennemi est là, il est déjà tout autour. Je peux pas le montrer du doigt car mon poignet pèse lourd. Tranquille, on est là, y'a pas de mal. Ce n'est que du hip-hop. L'ennemi est là, il est déjà tout autour. Je peux pas le montrer du doigt car mon poignet pèse lourd. Tranquille, on est là, y'a pas de mal. Ce n'est que du hip-hop. Zip. 2020. Rien ne bouge, rien ne change.